suivi, que sans peur mes accords résonnent. Car depuis que j'ai perçu ta voix, j'ai envie de te voir tout donner de ta voix.